mise au rang de capitaine. J'ai gagné mes galons en menant une vie de combat. En plus Kuba, fallait encaisser la balle Boa. Un jeu de jambes digne de Ali pour esquiver les Judas. Les Donny Brasco sont démasqués, mais exécutés. La cinquième colonne ne verra pas le jour au sein de l'armée. Constamment en état d'alerte au cœur d'un bas monde égaré. Seuls les combattants s'avancent et aventurés peuvent dégainer. Car ceci n'est pas un exercice, mais une lutte pour la survie mentale et physique d'une populace de plus en plus aigrie. Par un gouvernement victime d'un malade imaginaire qui dirige un parti d'extrême droite vers une guerre civile. Armez-vous d'intelligence, leur est proche, où la réelle confiance naîtra de vos proches. Qu'à gagner une bataille, n'en aucun cas la guerre. Ton frère pourrait te planter en pleine poitrine. La hache de guerre, à la guerre comme à la guerre. Le régiment blindé, de rimes de combat, plaçant du lyrical mortier. À vous de bazooka, on y doit toutes les tranchées. Un seul mot d'ordre pour l'unité spéciale, chargé. À la guerre comme à la guerre, le régiment blindé, de rimes de combat, plaçant du lyrical mortier. À vous de bazooka, on y doit toutes les tranchées. Un seul mot d'ordre pour l'unité spéciale, chargé. Les sangs agissent sur le terrain pour consonner un budget. Des hommes conditionnés pour combattre les valeurs de la paix. Ici, toute existence perd tout sens civilisé de façon aisée. Si tu t'invites pas, alors folie meurtrière, t'es mis aux arrêts. L'économie est malade, alors rends-leur un service militaire. Ils ne se guérissent que par leur vengeance de guerre. À l'image d'une hymne qui mime un crime animal, laisse dans sa cage ta vision du bien contre le mal. Au combat, le son d'un soldat, d'un général qui tombe sous les bombes, reste le même sous les balles. Gardez le même objectif, restez vif et soudé sur le terrain, sous comme les voix de la main. Resserrez les liens avec son voisin de tranchée pour être prêt demain à renverser toutes les situations sur le front. Avancez dans le feu de l'action, multipliez les stratégies pour l'assaut final. Sur les radios, les télévisions, l'unité spéciale lance l'opération de la délivrance de la capitale. Dans la transparence, au commandement du lyrical bestial, l'unité fait feu, feu, feu à volonté. À la guerre comme à la guerre, le régiment blindé, de rimes de combat, passant du lyrical mortier. À coup de base ou pas, on y doit toutes les tranchées. Un seul mot d'ordre pour l'unité spéciale, chargé. À la guerre comme à la guerre, le régiment blindé, de rimes de combat, passant du lyrical mortier. À coup de base ou pas, on y doit toutes les tranchées. Un seul mot d'ordre pour l'unité spéciale, chargé. Stratégie se place dans un flot précis, prédateur des mots. Paracommando du MIC, soldat apocalyptique. Nos tactiques qui se différencient, ma troupe dans le maquis. Les guerriers fidèles à ma merci. Sur terrain posté, dans des trous de combat nocturne, aucune marche arrière. Faut compter sur sa paire de burnes. Une sanction sévère sur chaque soldat qui importune le bataillon. C'est pas le moment de chanter au clair de la lune. Mon ami Pierrot, il laissera sa jambe sur une mine. La guerre extermine, un par un les corps qu'on élimine. La vermine riposte, ne choisis pas ses victimes. Par sécurité, les rescapés doivent garder une bonne mine. Garde à vous, vous maîtrisez ses émotions. Pas de sentiment quand les boulets de canon te mettent la pression. On tient le coup face à tous ces bombardements. Rassemblement, revue, troupe, le troisième type présent. À la guerre comme à la guerre, le régiment blindé, de rimes de combat, passant du lyrical mortier. À coup de base ou pas, on y doit toutes les tranchées. Un seul mot d'ordre pour l'unité spéciale, chargé. À la guerre comme à la guerre, le régiment blindé.